Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin rendus au chapitre 21, et nous allons le voir dans son entier. Et j'aime voir des longs passages parce qu'on a une vue globale de l'image qu'il veut nous donner. C'est toujours mieux de voir toute l'image avant de pouvoir définir des parties de l'image. Nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, ta parole se termine comme elle a commencé. Elle avait commencé par 3 chapitres sur la création du monde. Et maintenant, elle se termine par 2 chapitres sur la création des nouveaux mondes. Des nouveaux cieux et nouvelles terres. Tu es le même créateur du commencement à la fin. Tu es le même maître souverain, même architecte souverain sur les cieux et la terre et ceux qui y habitent. C'est pour ça que la gloire est à toi et à toi uniquement. Ô Seigneur, fais briller ce monde nouveau devant nos yeux, afin qu'on puisse t'adorer et persévérer jusqu'à la fin. Conduis-nous par ton Esprit Saint, afin qu'on puisse tomber sur nos faces et te louer devant tellement de merveilles à ton sujet. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous avons vu la dernière fois les jugements, le jugement des damnés et le jugement des sauvés. Et les damnés sont jetés dans les temps de feu et de soufre qui est la seconde mort, et les autres sont amenés dans la présence de Dieu, règne avec Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Là où vont vivre ceux qui ont été élus dès la fondation du monde. Là où ce que Dieu va continuer à manifester sa personne. Parce que les nouveaux cieux et les nouvelles terres ne sont pas faits pour une autre raison que cela. Dieu avait créé le premier ciel et la première terre pour se glorifier, pour se révéler, et la création des nouveaux cieux et des nouvelles terres est encore dans la même direction pour se révéler afin d'être adoré et loué par son peuple pour l'éternité. Et je crois que ce chapitre 21 est écrit pour la même raison que le restant de la Bible ou le restant de l'Apocalypse. Amener l'Église a persévéré dans l'adoration de Dieu seul et en l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'il puisse persévérer même jusqu'à la mort, s'il le faut. Je pourrais bien vous décrire un endroit que j'ai visité qui est tellement belle que j'aurais voulu y vivre toute ma vie. Mais ça sera jamais comme si vous l'aviez vu vous-même, cet endroit-là. Et ici, Jean va nous décrire une autre vision qu'il a. Et ça va être merveilleux. Mais ça sera jamais aussi beau que si on avait été là. Et que c'est le jour où on va être là et le voir. Donc, nous allons voir tout le chapitre et on va je pense qu'on va le couper en 3 parties. Nous allons voir premièrement les nouveaux cieux et nouvelles terres. Ensuite, nous allons voir la description de la femme de l'agneau, de l'épouse de l'agneau. Et ensuite, on va voir la vie ou la description de ce qui va se passer dans ces nouveaux cieux et nouvelles terres, dans cette nouvelle Jérusalem-là et avec cette épouse nouvelle-là aussi. Donc, lisons ensemble, si vous voulez bien, le chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Donc Jean a une vision encore une fois et il voit des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que les premières choses ont disparu. La mer n'était plus. Donc c'est comme tout ce qui avait été attaqué, détruit depuis le chapitre 6 jusqu'au chapitre 20, jusqu'à la dernière guerre d'Armageddon. C'est la destruction de ce monde. C'est un monde avec une qu'on peut avoir comme une vision d'une ville détruite par la guerre. Là, Jean voit des nouveaux cieux, une nouvelle terre que Dieu a créée. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Par le mot ciel ici, je crois que c'est ce qu'on voit quand on lève les yeux. Je crois que pour moi, l'univers entier va être reconstruit. Ce n'est pas juste la Terre. C'est ce que je pense. Ça ne changera pas grand-chose, mais qu'on arrive l'autre bord, je crois. Mais je crois que Dieu avait maudit le monde dans lequel nous vivions, et je crois que ça comportait plus que juste le petit grain de sable dans l'univers, qu'est la Terre. Je crois que ça comprenait tout cela. En tout cas, il va faire des nouveaux cieux, de nouvelles terres, et Jean voit cela. À quoi ça ressemble? Il y a plein d'images qui ont été dessinées par des artistes pour essayer d'illustrer ça. Mais je crois personnellement, ça va être des milliards fois plus beau que cela. Et là, Jean, pendant qu'il regarde, il dit, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. » Donc, il voit descendre une ville qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est la ville où Dieu avait décidé d'habiter parmi les hommes dans l'Ancien Testament. C'est là que son temple est là, était là. C'est là qu'il entrait en relation avec son peuple à travers les prêtres, les sacrificateurs, les sacrifices. Là, il y a une nouvelle Jérusalem, une belle ville. Une belle ville comme une femme qui s'est préparée pour le jour de ses noces. Elle se met dans son plus beau. Elle se met sur son 36, comme on disait. Elle sort sa plus belle robe, ses plus beaux bijoux, elle se fait coiffer, elle se fait maquiller, elle se met belle. Et Dieu dit, j'ai préparé une nouvelle ville très belle. Très belle. Pour que son peuple puisse y vivre. Et il dit au verset 3, il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Comme le tabernacle était dans la ville de Jérusalem au temps de Jésus ou au temps des apôtres, Vous aviez le temple, et au milieu du temple, il y avait le tabernacle, où est-ce qu'il y avait l'arche de l'alliance, la présence de Dieu. Il dit, voici, cette nouvelle ville, c'est là que Dieu va vivre, qui va habiter avec les hommes, pas tous les hommes, mais les hommes rachetés, ceux qui n'ont pas été mis dans le feu éternel avec la bête, le diable et le faux prophète. On a vu ça, que les autres ont été jetés là. Donc ici, c'est les hommes qui ont été rachetés par Dieu, qui vont habiter avec lui dans cette nouvelle ville-là, dans ces nouveaux cieux-là. Dieu lui-même sera avec eux. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu va habiter avec son peuple. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le toucher? J'ai pas de réponse à ça. Mais je crois que on va être capable de contempler sa beauté d'une façon quelconque. On va être capable de contempler ses attributs et l'adorer. Parce que quand on dit voir, on parle pour nous, êtres humains, de matériel, on parle de temporel, on parle de matière. Et Dieu est esprit. Est-ce qu'on va être capable, dans notre corps glorifié, de voir les esprits? Voyons voir ce qui va arriver à ce moment-là. Et ça va être un monde beau, un monde parfait, un monde où est-ce que Dieu va habiter, un monde qui sera plus entaché du péché. Et dit dans ce nouveau monde-là, au verset 4, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, de douleur. Car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Les premières choses, de quoi il fait référence ici, au verset 1. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Lorsque ce qui avait été maudit, ce qui avait été entaché du péché, lorsque la mort régnait, lorsque la maladie régnait, lorsque le chaos, la vengeance, la tuerie, la méchanceté habitaient. Ces choses-là ont disparu parce que le péché n'est plus, parce que le diable n'est plus, parce que la bête n'est plus, parce que le faux prophète n'est plus, parce que les ceux qui sont rebelles à Dieu ne sont plus. Pour que ces choses-là disparaissent, larmes, mort, deuil, cris, douleur, il faut que le péché ait disparu. Parce que c'est le péché qui avait engendré cela. C'est quand l'homme a péché que Dieu a dit, tu mourras. Tu souffriras. Je vais maudire le sol et tu tomberas à la sueur de ton front. Donc, c'est à cause du péché qui est entré dans le monde que ces choses-là sont arrivées. Donc, pour que ces choses-là ne soient plus, il faut que le péché a été enlevé d'une façon totale et parfaite. Et il l'a été par la mort de Jésus-Christ à la croix. Verset 5, il dit, Dieu dit, devant Jean, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est moi qui ai le commencement de toutes choses et c'est moi qui ai la fin de toutes choses. Écris ces choses, c'est-à-dire, écris-les, car ces paroles sont certaines et véritables. Et là, il dit, encore une fois, ceux qui vont être là, ceux qui vont pouvoir habiter dans ces nouveaux cieux, nouvelles terres, dans cette nouvelle Jérusalem. Il dit, ceux qui ont soif, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau vie, de la vie gratuitement. À celui qui a soif, je donnerai l'eau de la vie. Il le répète d'une autre façon, verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai ces choses. Il héritera ces choses. Il avait dit aux sept églises, à celui qui vaincra, je ferai ceci. À celui qui vaincra, je ferai cela. À celui qui vaincra, je donnerai ceci ou cela. À celui qui va vaincre, le mot vaincre ici, qui va vaincre le monde, qui va vaincre Satan en ne prenant pas la marque de la bête, qui va vaincre le mal en se soumettant, se repentant et en croyant en Jésus-Christ. À celui qui va vaincre le mensonge par la vérité qui est en Christ. Il va hériter de ces choses-là, de ce nouveau ciel, nouvelle terre, de cette nouvelle Jérusalem, de ce nouveau tabernacle, de la présence de Dieu. Il dit au verset 7, « Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. » Ça, c'est eux. C'est eux. C'est comme il avait dit à la femme samaritaine, « Si tu savais qui je suis, tu me demandais de l'eau, je te donnerais de l'eau vive qui jaillirait en toi jusque dans l'éternité. » Même vérité. Il y a même chose qu'il avait dit dans Jean 7, quand il a crié dans le temple, « Je suis l'eau vive, celui qui croit en moi, des sources d'eau couleront de leur sein. » C'est la même vérité ici. « Si tu as soif de moi, je suis l'eau vive, je suis la source d'eau. Si tu es vainqueur, si tu gardes la foi, si tu restes attaché à moi, si tu rejettes les Nicolaïtes, si tu rejettes les doctrines de Balaam, je te donnerai ce nouveau monde en héritage et tu seras mon peuple, je serai avec toi. Je serai avec toi. » Mais là, Jean, il va avoir une autre vision. Une autre vision qu'il va décrire à partir du verset 9. Nous allons le lire ensemble, si vous voulez bien. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur des portes 12 anges, et les noms écrits ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur, la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille. Il trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze et le dixième de chrysopase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. C'est intéressant ici que Jean a une autre vision, et c'est un des anges qui lui dit cela, il dit, viens, viens, je vais te montrer l'épouse de l'agneau ou la femme de l'agneau. Donc, on s'attendrait à voir apparaître une femme quelconque ou du monde. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. Il dit, il m'emmène d'une haute montagne et il me montre une ville. Je je conclus que quand il lui dit, je viens, je vais te présenter la femme de l'agneau ou l'épouse de l'agneau, il lui parle de la ville sainte. Donc, il est en train de décrire ici, à ma compréhension, il est en train de décrire ici, du verset 10 jusqu'au verset 21, la femme, l'épouse de l'agneau. Je crois pas qu'il parle d'une ville comme telle. Je pense qu'il a parlé de la ville un peu plus haut, la ville sainte, ce tabernacle de Dieu. Mais ici, il parle de la même chose de la femme, mais il dit qu'il décrit une ville, la nouvelle Jérusalem. Parce que quand Dieu parle de la Jérusalem, quand il dit dans la Sainte Semaine, Jérusalem, Jérusalem, je t'aime, Jérusalem, il n'aime pas les pierres, il n'aime pas les bâtisses, il n'aime pas l'or ou l'argent qu'il y a dedans. Il parle des gens. Il parle de son peuple. Il parle de ses élus. La femme dont il décrit ici, à ma compréhension, c'est vous et moi, frères et sœurs. C'est la perception que Dieu a de vous et moi. Dans le chapitre 4, quand il a décrit le ciel avec le trône et la présence de Dieu, il avait utilisé la même chose. Il avait utilisé des pierres, des émeraudes, du cristal, un arc-en-ciel. Il avait pris des éléments dans le monde dans lequel nous vivons pour décrire l'invisible, pour décrire la beauté du trône de Dieu. Mais ici, il fait la même chose. Il voit l'épouse de Dieu, la nouvelle Jérusalem, l'épouse de Christ. Et il utilise les choses les plus précieuses dans ce monde pour décrire l'épouse de l'agneau. Il est pas en train de décrire une ville, puis là, que nous on dise, ben, waouh, ça va être beau, où est-ce qu'on va vivre? C'est merveilleux! Waouh, on va être vraiment bien dans cette ville-là. Je crois, frères et sœurs, je crois que dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, avec notre corps glorifié et avec notre esprit renouvelé et n'ayant plus aucune présence de péché en nous, les choses matérielles n'auront pas la valeur qu'elles ont pour nous aujourd'hui. C'est pas ça, je pense, qui va importer pour nous. Ça va être plutôt la présence de Dieu. Dieu, ici, décrit la femme qu'il a préparée. Parce que lui-même avait dit dans l'autre chapitre avant, elle s'est revêtue, elle a été revêtue de fin lin. C'est lui dans Éphésiens 5 qui dit qu'il a préparé son épouse pour la présenter à son père. C'est lui qui va tirer gloire. Plus l'épouse est belle, plus l'épouse est merveilleuse, plus l'épouse est fantastique, c'est grâce à l'époux. C'est l'époux qui l'a rendu comme cela. Donc, en présentant l'épouse de cette manière-là, il se glorifie. Il glorifie pas l'épouse. Dans certaines peuplades, encore aujourd'hui, pour regarder la richesse d'un homme, on regardait son épouse. Parce que sur l'épouse, l'homme mettait toutes ses richesses. Comme nous autres aujourd'hui, on va regarder notre maison, on va regarder notre automobile, on va regarder aussi nos enfants, nos épouses, nos maris, de façon qu'ils sont habillés. Donc, on va exposer nos richesses. Donc, les richesses que tu vois, qui m'appartiennent, me glorifient, c'est mes richesses, c'est moi qui les a gagnées et c'est moi qui les ai faites. Dieu présente ici l'épouse d'une façon tellement magnifique que nous sommes obligés de le glorifier pour nous avoir ainsi préparés. Je ne prendrai pas le temps ici de passer par chaque chose. Je crois que si on ferme nos yeux et qu'on regarde cette ville avec de l'or, des perles, des émeraudes, tout ce qui était utilisé ici pour montrer quelque chose de vraiment beau, c'est moi. C'est vous. Quand le diable vient dans ma vie et qu'il vient m'assiéger avec le péché, avec mes péchés, avec mes manques, mes faiblesses, et qui veut que je me voie comme sale, je m'arrête et je pense à ce chapitre-là. C'est ce que moi je perçois, mais voici comment Dieu me voit à cause de Jésus. Voici comment je serai pour l'éternité grâce à Dieu et à Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, comme nous pouvons le glorifier de nous avoir ainsi transformé. C'est merveilleux. Il a pris des êtres vils, sales. Il a utilisé des mots très noirs, très sombres pour nous décrire. Noirceur, ténèbres, fumier. Il a utilisé des mots vraiment tordus pour décrire l'être humain pécheur. Mais il utilise les mots ou les matières les plus précieuses de ce monde pour vous décrire et pour me décrire. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Nous sommes son épouse. Nous sommes la femme de l'agneau. Et il nous a habillés parfaitement, divinement, d'une beauté inimaginable dans ce monde. Une maison semblable ou un temple semblable ou une ville semblable, ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas dans ce monde. Aucun homme n'aurait le pouvoir, aucun peuple n'aurait le pouvoir, aussi riche pourrait-il être, de bâtir une ville semblable ou une maison semblable ou un temple semblable. C'est merveilleux. C'est gloire à Dieu. C'est gloire à Dieu. Nous allons continuer en lisant le chapitre, terminant le chapitre au verset du verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination ni au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc Jean dit, après qu'il ait décrit la ville, il dit, dans cette ville-là, il n'y a pas de temple, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, parce que Dieu est là. Dieu, c'est sa lumière. Jésus, c'est son flambeau. C'est la gloire de Dieu qui l'éclaire. Donc, ce nouveau ciel, nouvelle terre, cette nouvelle ville de Jérusalem, cette nouvelle épouse qui est présentée, je crois, sous la forme d'une nouvelle ville, dans ce nouveau monde dans lequel nous allons vivre, Dieu va être notre lumière. Christ va être notre flambeau. Sa gloire va nous éclairer. Il dit, toutes les nations, tous les rois de la terre, ça veut dire que tous ceux qui ont été sauvés, je crois pas ici qu'il va y avoir quelqu'un en dehors du nouveau ciel, nouvelle terre, en dehors de la nouvelle Jérusalem, en dehors de la nouvelle ville de Jérusalem, qu'il va y avoir encore du monde alentour de ça non sauvé. Ben non. Il est en train de dire que toutes les gens vont emmener là, tous ceux qui sont là, vont adorer, vont louer, vont exalter Dieu pendant l'éternité. Ça n'arrêtera jamais. Il n'y aura pas de jour ou de nuit. Vous savez, parce que on venait de partout en Israël, dans toute la terre, je veux dire, on venait de partout en Israël, puis on amenait notre adoration à Dieu dans le temple de Dieu. Un peu comme l'Éthiopien qui était venu adorer à Jérusalem. On venait de partout. Là, ce qu'il est en train de dire, il va venir du monde, de toutes les nations du monde, qui vont être sauvées et régénérées et lavées, qui vont venir dans cette nouvelle ville et qui vont venir adorer Dieu pour l'éternité. Rien, il y aura dans cette ville, ni rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entendra que ceux qui sont dans le livre de la vie. Il répète ce qu'il avait dit au verset 8 et 9. Dehors les abominables, les menteurs, les idolâtres, les magiciens, les menteurs et tout cela. Tous ceux qui sont contre Dieu, ceux qui ne sont pas repentis, ceux qui n'ont pas accepté, cru au Seigneur Jésus-Christ, n'auront pas le droit d'entrer dans cette nouvelle ville, dans une nouvelle ciel, une nouvelle terre. Qu'est-ce qu'on va faire dans les cieux? Souvent, les gens me demandent, qu'est-ce qu'on va faire, François, dans les cieux? C'est marqué ici. Nous allons marcher à la lumière de Dieu. Et nous allons apporter la gloire à Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. Nous allons l'exalter. Nous allons l'élever. Et nous allons chanter ses louanges. Tous ceux qui n'auront pas persévéré, tous ceux qui n'auront pas, ne seront pas repentis dans les sept églises, n'auront pas le droit d'être là, ne pourront pas entrer là. Tous ceux qui se croyaient riches, tous ceux qui passaient pour être vivants et qui sont morts, parce que c'est à eux autres que ça a été écrit en premier. Tous ceux qui suivaient Jézabel, la prophétesse, qui enseignait des doctrines de démons, tous ceux qui avaient cru aux enseignements des Nicolaïtes, tous ceux qui avaient abandonné Jésus-Christ, leur premier amour, n'auront pas le droit d'en rentrer là. À moins qu'ils aient décidé de se repentir et de croire en Jésus-Christ. Quelle merveilleuse vision, n'est-ce pas? Nouveau ciel, nouvelle terre. Nouvelle Jérusalem, nouveau peuple qui va habiter dans cette nouvelle Jérusalem et dans ce nouveau monde. C'est ce qu'on appelle un style apocalyptique. Décrire des grandes vérités avec des images. Une image vaut mille mots. Et cette image me donne le goût d'y être. Cette image me pousse à anticiper la présence de Dieu. Cette image continue à me pousser à dire non au monde, non à la chair, et oui à Dieu et à Jésus-Christ. Notre Père du ciel, merci de nous avoir fait voir jusqu'à certains points. Ce nouveau ciel, nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem, ce tabernacle où tu vas habiter avec nous pour toujours. Seigneur, dans les moments de doute, dans les moments de remise en question, dans les moments des grandes décisions de nos vies, en ce qui te concerne, ramène-nous par ton esprit cette image à la mémoire. Seulement ceux qui vont vaincre, qui vont avoir le droit d'y entrer, être dans ta présence, te servir, t'adorer. Ô Seigneur notre Dieu, donne-nous la grâce de rester attachés à toi. Mais nous avons la ferme conviction que tous ceux qui sont écrits dans le livre de la vie vont être dans ce nouveau ciel, nouvelle terre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.